12e chapitre. La déroute. Les ligueurs, ayant entendu dire qu'il n'y avait pas de cavalerie à Quimper, furent tellement épouvantés qu'ils commencèrent à se débander. Ils étaient persuadés que ces cavaliers n'étaient que l'avant-garde d'un corps plus nombreux. La Fontenelle lui-même fut ému de cette subite apparition. Aussitôt il se tourna vers les siens et leur ordonna de charger vigoureusement l'ennemi. Mais que devint-il quand il vit ses soldats battre en retraite et s'enfuir avec précipitation ? « Où allez-vous ainsi, misérables lâches ? » leur cria-t-il d'une voix qui n'avait plus rien d'humain et qui se fit entendre à l'autre bout de la place Saint-Mathieu. « Comment, aujourd'hui, cet homme vous font peur ?» Son aspect alors était si terrible que pas un des soldats de Kérolin n'osa l'attaquer. Bien que jamais ils ne l'eussent vu, cependant ils le devinèrent et demeurèrent comme pétrifiés devant lui. Pendant ce temps, Guy Hédère faisait d'inutiles efforts pour rallier les siens. Mais la panique s'était emparée de leurs esprits et ils étaient sourds à toute espèce de commandement. Kérolin, que la présence du capitaine Ligueur n'avait nullement effrayé, sentit la rage lui venir au cœur en apercevant si près de lui le meurtrier de Tréphilis et l'ennemi de Dugranec. Aussitôt donc, dans sa fureur, il se disposait à fondre sur lui l'épée à la main, lorsque tout à coup il le vit entraîné bien loin par ses soldats dont il cherchait à empêcher la fuite. En cet instant, une cinquantaine de jeunes gens, appartenant presque tous aux meilleures familles de Quimper, vinrent se joindre à Kérolin. Ils étaient commandés par Dugranec. « Allons, mes amis !» leur cria celui-ci. « Pas de quartier, mort aux soldats de l'île Tristan !» À peine avait-il prononcé ces mots que les jeunes nobles se précipitèrent avec furie sur les ligueurs glacés d'épouvante. La déroute devint alors générale, et presque tous les traînards mordirent la poussière. Cependant, l'un des soldats de Guy Hédère osa attendre Kérolin, et au moment où celui-ci avançait, il lui lâcha son coup d'arquebuse à bout portant, mais il ne fit qu'effleurer sa cuirasse. Un des cavaliers de Concarneau étendit ce ligueur mort à ses pieds. Il semblait vraiment que, dans ce jour, tout se fut réuni pour faire échouer les mauvais desseins de la Fontenelle, car en ce moment même le capitaine Magence, qui revenait du Faouet avec 200 soldats, s'arrêtait à Quimper pour faire reposer sa troupe. Pendant qu'il cherchait un gîte pour lui et ses hommes, il entendit le bruit des arquebusades et apprit bientôt ce qui se passait dans la ville. Voulant prêter son appui à Kermoguer, il fit avancer au plus vite sa compagnie, les uns par la rivière, les autres par le pont de Locmaria, et vint tomber à l'improviste sur les fuyards qui étaient du côté de Saint-Sébastien. Qu'on juge de l'épouvante de ceux-ci à la vue de Magence, ils se crurent poursuivis par une armée innombrable. La Fontenelle, toujours à cheval et entourée de quelques-uns de ses officiers, était presque méconnaissable. Sa colère avait doublé depuis qu'il avait reconnu Dugranec à la tête de la jeunesse quimpéroise. Une lueur phosphorescente s'échappait de ses yeux flamboyants, prêts à sortir de leur orbite. Ses lèvres pâles et contractées étaient couvertes d'écume. Sa voix ne cessait de se faire entendre au-dessus de toutes les autres clameurs. Mais elle demeurait impuissante et méconnue. Les soldats de la Ligue, frappés de terreur, ne reconnaissaient plus leur capitaine. Dans cette situation, la Fontenelle, en voyant arriver Magence, désespéra tout à fait de pouvoir rallier les siens. Cependant, il tenta un dernier effort. « Mes amis !» leur cria-t-il d'une voix tonnante. « N'avez-vous donc plus de confiance en votre capitaine ? Auriez-vous oublié que je vous ai promis le pillage de Quimper, où tant de richesses vous attendent ? Face à l'ennemi, les soldats de Guy Hédère de Beaumanoir doivent savoir mourir, mais jamais fuir !» Ayant prononcé ces paroles, il se précipita sur deux Quimperois qui le pressaient vivement. L'un tomba sous les coups de sa terrible épée, l'autre eut la tête cassée de son pistolet. « En avant, soldats de l'Union » s'écria-t-il avec exaltation. « Suivez votre capitaine, il vous ramènera la victoire !» Cette harangue chaleureuse et les actes dont il la fit suivre ne produisirent aucun effet sur les ligueurs qui, déjà, se trouvèrent refoulés jusqu'à l'endroit même où De Romard était posté avec sa cavalerie. Les fuyards, en arrivant près de leurs compagnons, s'écrièrent que tout était perdu et qu'ils étaient poursuivis par une armée entière. On ne peut se figurer quel fut l'étonnement de De Romard lorsqu'il vit ses hommes en fuite venir semer l'épouvante parmi ses cavaliers au moment où il croyait la Fontenelle vainqueur et où il s'apprêtait à entrer dans Quimper. Telles étaient la frayeur et la folie de quelques-uns des soldats de l'île Tristan qu'ils assuraient que Henri IV venait d'arriver à Quimper et que c'était lui qui les avait mis en fuite. Au milieu de ce désordre et de cette confusion, De Romard aperçut la Fontenelle qui galopait vers lui. « Tout est perdu, lieutenant !» s'écria celui-ci. « Si vous ne parvenez pas avec moi à rallier ces misérables poltrons !» De Romard ne répondit pas. Sur le champ, il se joignit à son capitaine pour essayer de rassurer les fuyards, mais il échoua complètement. Dans cette journée, ceux-ci demeurèrent sourds à la voix et au commandement des deux hommes qu'ils redoutaient le plus et auxquels ils n'avaient jamais osé désobéir. C'est que le prestige disparaît alors que l'épouvante est entrée dans le cœur du soldat. Dans cette retraite, la Fontenelle, presque fou de fureur, immola de sa propre main plusieurs de ses gens. Les ligueurs, en gravissant les collines qui dominent Quimper, arrivèrent à Prat-en-Raz, où la Fontenelle parvint à les conduire en assez bon ordre. Ils eurent environ 60 hommes de tués et une centaine de blessés, qu'ils enlevèrent dans les charrettes destinées par eux à emporter le butin qu'ils comptaient faire sur leurs ennemis. Quant à leur bateau, qui n'avait eu le temps que d'arriver à Bénodet, ils s'en retournèrent vides à l'île Tristan. Pendant les charges brillantes qui eurent lieu à Saint-Mathieu et du côté de Saint-Sébastien, Kermoguer surveilla avec beaucoup d'attention les traîtres dont nous avons parlé, lesquels se gardèrent bien d'agir sans avoir la certitude que la Fontenelle eût complètement réussi dans son attaque. La Fontenelle et De Romard, malgré la rage qui les animait, furent forcés de se maîtriser et de songer au salut de leurs soldats. Ils se décidèrent, à cause de la nuit, à rester à Prat-en-Raz et prirent toutes les précautions possibles pour se mettre à l'abri des attaques des royaux. Mais les habitants de Quimper, satisfaits de leur victoire, ne songèrent nullement à inquiéter cette horde de brigands. Dieu sait quels affreux malheurs Quimper aurait eu à souffrir si la Fontenelle eût réussi dans cette seconde expédition. Le lendemain, à la pointe du jour, les ligueurs, couverts de honte, s'éloignèrent de Prat-en-Raz et reprirent le chemin de Douarnenez.